en parfait accord avec moi-même. J'aime pas les gens qui parlent que d'eux. Moi, je préfère les gens comme moi. Parle de moi, et de moi, et de moi-même. Je parle de moi, et de moi, car je m'aime. Moi, je pense, personnellement, quant à moi. En ce qui concerne ma personne personnelle, que c'est une bonne idée de parler de moi, je suis intéressant. En plus, j'aime bien parler, j'ai de la conversation. J'ai tout fait, j'ai tout vu, tout vécu. Si tu crois m'apprendre quelque chose, tu l'as dans le cul. Quoi que tu dises, j'aurais déjà fait mieux. Je te reprendrai en te disant que moi je. Si on te dit que tu as les yeux gris, moi je dirais ah ouais, c'est presque comme les miens. Si tu racontes que t'es allé en Tanzanie, je dirais que je connais un gars qui est allé plus loin. Si tu racontes que t'as serré la main de Popek, moi j'ai couché avec. D'ailleurs moi, j'ai couché avec plein de gens. Chanson bien, c'est une chanson qui finit bêtement.